wesh fils de connard, CS Yaka au micro pour Ato. La famille lâchera jamais la famille, même pour tous tes euros. J'porte mes coronets depuis tout petit. Mulhouse est à nous, t'as le seum parce que les meilleurs du secteur sont des petits barbous. J'entends que des foutaises, les gens sont fous, taisez-vous, moi j'vous baisse. J'bloque des heures sur des textes pendant que c'est con en 2216. Personne ne t'aime dans mon 6-8, n'y met pas les yep comme Bassem. Tu rappes à la cortex et t'as l'espoir de vivre de ta sincère. Rage depuis que ma couleur à leurs yeux fait partie de la plus faible. Plus j'traîne, dans le rap, plus la concurrence est wanted. Tous dead, j'me devais de les froisser sans force et mon talent. J'suis qu'à 68% dans les temps, j'monte pas encore mes dents. Freestyle, tout le monde la ferme, demande à gérer, mec, c'est le feu. Les blancs ne savent pas rapper, c'est connu. Demande à Nekfeu, hey, vieux, arrête tout ça, t'as 40 piges, toujours pas ses pères. Ici, c'est le réel, comme les stacks de 3, lâche l'affaire. J'écris que quand j'm'emmerde, j'pense pas ma vie à la rapper. On les frappe en pleine rate et CPD aux encore répliqués. Millésime, prends-toi ça dans la gueule, on se barre. Ça devient trop easy, ces fils de putain comprendront que jamais que c'est nous les boss ici. Ah, on vient les ken, bap tout part sous la batte. Non, trop de rappeurs pour trop peu de bon track. Ouais, Atomic, R.A.N. et Siak. T'étonnes pas si à chaque couplet c'est une paire de claques. Wesh, rien que ça pompe, salaud, ça manque de style. Oh, laisse-nous le micro, on sait comment les kill. Ouais, rappeur amour, pas là pour le liquide. On vous laisse le buzz, nous on prend le talent, maintenant on liquide. Serge, j'ai un flow de malade, c'est Rani, raconte pas de salade. Chaud comme le soleil de Calam, j'ai commencé le rap dans ma cave. Quand on kick, sois attentif, ok. Ramène mon bif, sinon je te traumatise. Rapide et vif comme un soula qui descend sa tisse. L'ami, j'ai plus de mille rimes, je rappe pour millésime, je donne tout. Quand je baisse ta copine, c'est Rani qui lapine. Mon 68 à Tosiak, toujours les mêmes acolytes. T'as du talent, mais t'auras jamais la punch à Atomic. Cavo Max, soyez présent, présente, c'est présent. Sans précis quand on descend, la traque est lourde, les salopes la ressentent. On prend des risques à chaque disque. Emmerde le fils, tes fils de flics, le bison nique, on est quitte. J'suis meilleur, ramène tes 45, c'est Rani, trop bien brusque. Et comme en 45, j'ai trouvé la bonne parmi les 40 tympes. Petite nympho, un peu de repos après qu'on crache. Le rap, c'est le sexe, on fait l'amour que si c'est trash. Ah, on vient les ken, bap tout part sous la batte. Non, trop de rappeurs pour trop peu de bon track. Ouais, Atomic, R.A.N. et Siak. T'étonnes pas si à chaque couplet c'est une paire de claques. Wesh, rien que ça pompe, salaud, ça manque de style. Oh, laisse-nous le micro, on sait comment les kill. Ouais, rappeur amour, pas là pour le liquide. On vous laisse le buzz, nous on prend le talent, maintenant on les quitte. On m'a trop longtemps châtié, j'ai la peau blanche, j'peux pas chanter. Même si l'album est en chantier, de les faire chier, j'suis enchanté. Bap tout sur en featuring, j'ai ramené mes sauces. Sans bien qu'elle me trappe de merde, vos rimes de cassos. J'ai du flow et des verres qui niquent, j'suis tellement dark, ils sont allergiques. J'ai trop de talent, mais le plus tragique, y'a que les merdes qui percent, c'est illogique. J'suis qu'un gros rageux si tu veux, mais c'est flippant de voir leur buzz prendre. Joule, platinium, j'crois que le rap c'est franc, peu spam. J'viens faire du sale, j'suis le meilleur de ma ville, la vérité, j'peux le jurer sur ma vie. Me compare pas à tous ces débiles. Moi quand j'en vois c'est du haut débit. J'pars en croisade pour faire des yébis. Violer l'enceinte c'est comme un hobby. Tu veux me clasher, va faire une IRP. Ce sera le dernier son de ta discographie. J'foque le rap comme j'foque mes rivaux. T'entends que le putain blanc est vénère. Une chose est sûre c'est que j'suis au niveau. Va demander à blaquer des guerres que j'suis pas bon. J'ai eu 8 dire. Encore une prod qui s'est fait scaper. Mais t'as raison, continue de dire que les blancs ne savent pas rapper. Ah, on vient les ken, bap tout part sous la batte. Non, trop de rappeurs pour trop peu de bon track. Ouais, Atomic, R.A.N. et Siak. T'étonnes pas si à chaque couplet c'est une paire de claques. Wesh, rien que ça pompe, salaud, ça manque de style. Oh, laisse-nous le micro, on sait comment les kill. Ouais, rappeur amour, pas là pour le liquide. On vous laisse le buzz, nous on prend le talent, maintenant on les kills.